1. Diox. Yeah. Fox. Fox. Histoire de principe. Histoire de principe. LRZ. Yoda. Bah. On est peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Dès le départ, on n'est pas de ceux que le mal insiste. Si tu demandes pourquoi, c'est juste une histoire de principe. On est trop peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Arrêtez de croire tout ce que les médias vous disent. Faut qu'on reste soudés vu que c'est leur plan qui nous divise. L'homme ne voit que par la couleur du billet. L'homme est formaté, se sert de la femme comme un objet. J'ai bien compris que dans ce rap, tout le monde veut briller. Ils transforment leur valeur en zéro sur le chéquier. L'échec grandit mais le temps file dans le sablier. J'ai peur pour mes petits frères, faudra s'expliquer le jugement dernier. Peur pour mes petites sœurs, rouge à lèvres mascara. Toute cette mascarade répondre à tes parents, c'est lamentable. Dans des flaques d'alcool, certains provoquent leur noyade. Qui prétend être loyal, qui a pactisé pour une chaise royale. Sofiane, le peuple est en danger. Plus de principe, plus d'honneur, j'entends le tan chéri caner. Texte trop franc, je passe pour un fou quand je vais prier. Je garde la foi, je reste engagé. Conscience, musique. Une histoire de principe en naufragé. On est peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Dès le départ, on n'est pas de ceux que le mal insiste. Si tu demandes pourquoi, c'est juste une histoire de principe. On est trop peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Arrêtez de croire tout ce que les médias vous disent. Faut qu'on reste soudés vu que c'est leur plan qui nous divise. Ici nos peines sont vastes, nos croix sont dures à porter. C'est juste une pierre de plus à l'édifice qu'on vient apporter. Emportés par le flot de la vie, certains sont tombés dans son vice. Donc se précipite jusqu'à tomber dans ce précipice. Faut faire les choses bien, comme dirait Jazz avec le cœur. On marche avec des principes sûrs, loin de ces MC qui m'écœurent. C'est dans l'obscurité que les moutons se mettent à beugler. À vivre dans les ténèbres, la vérité va vous aveugler. La mélodie du bonheur, y'a longtemps que j'en sais plus l'air. Donc je m'accroche à cette tradition multiséculaire. Trop de peuples qui se déchirent ici, d'où n'y a n'est que plaisir. Y'a qu'un seul dieu des millions de genoux, ça donne à réfléchir. Fléchir les genoux, jamais seulement tourner vers l'est. Vu que c'est l'ouest qui de tous nos principes nous déleste. Gardez pour vous ce sentiment que suscite la réussite. Moi je garde ma ligne de conduite jusqu'à ce qu'on me ressuscite. On est peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Dès le départ, on n'est pas de ceux que le mal insiste. Si tu demandes pourquoi, c'est juste une histoire de principe. On est trop peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Arrêtez de croire tout ce que les médias vous disent. Faut qu'on reste soudés vu que c'est leur plan qui nous divise. J'entends des nicks et des yés, des polémiques relayées. La chétanerie à l'excès, des MC pris à l'essai. Avant de pouvoir critiquer, faudrait peut-être éblayer. Devant ta propre porte, apprendre à parler sans bégayer. On a trop de chance de prendre le mic, dommage trop font les gangsters. Face à ces démons qui nous manipulent dans l'ombre comme monstères. Le chant des sirènes, j'y suis toujours resté sourd, moi. J'ai su voir tous leurs mensonges dans leurs regards sourds, moi. Et dès son prochain, c'est naturel, histoire de principe. Si t'es en galère, en calèche, on t'envoie un bif. La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien. Le respect se perd en face du chiffre. On se marche les uns sur les autres pour la réussite. Tous bicravent le sale shit, tout pour la grosse berline. Tous parlent de code de l'honneur, mais dans la street sont des sales types. J'crois bien que l'amour s'est perdu dans un bad trip. On est peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Dès le départ, on n'est pas de ceux que le mal insiste. Si tu demandes pourquoi, c'est juste une histoire de principe. On est trop peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Arrêtez de croire tout ce que les médias vous disent. Faut qu'on reste soudés vu que c'est leur plan qui nous divise. On est peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Dès le départ, on n'est pas de ceux que le mal insiste. Si tu demandes pourquoi, c'est juste une histoire de principe. On est trop peu pour croire, peu veulent voir. Leur mensonge, peu de lumière pour nous guider dans le noir. Arrêtez de croire tout ce que les médias vous disent. Faut qu'on reste soudés vu que c'est leur plan qui nous divise.